que la tisane du soir. C'est pas très tisane, non? Épistémie. Si, si, mais bon, sinon je vais avoir envie de faire pipi pendant le podcast. Ouais. Pisse mémé. Pisse mémé. La Et pisse tu sais, pépé. c'est comme les tisanes nuit calme, là. Tu pars, tu sais pas nuit calme, tu passes ta nuit à pisser. C'est clair. Ou tu sais la tisane bonne nuit. Oui, c'est ça, oui. Si Ouais. tu la Bonne bois mais nuit, tu tu sais pas à parles. quoi ça sert, tu dors. Tu Tu dors dors. 5 minutes, après, il faut aller pisser. C'est ça. Et tu pisses dessus. Tu peux. Aussi. Oui, accessoirement. Accessoirement. Accessoirement. Oh, c'est chaud. Là. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode numéro 31. Et pour faire une dédicace à Olivier, c'est après le 30 et avant le 32. Nous sommes à l'épisode 31 déjà, après 2 ans d'existence, ça fait 15 épisodes par an. Mais là, on est plus quand même, voilà. Et j'accueille aujourd'hui, comment dire, c'est vraiment, on va dire, le beau gosse. Le beau gosse de Disneyland Paris. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur et Benji. Ça donne, à chaque fois, ça donne envie de danser. Pas toi? Ouais, mais cette musique, ouais. Ouais. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire. Un classique indémodable. Indémodable. Olivier in Wonderland, il y a Boogie in Wonderland. Voilà. Voilà. Il y a une vague ressemblance. Ouais. On se retrouve tous les deux aujourd'hui. Oui. Tout le monde a un agenda très serré en ce moment, donc ah oui. Même nous. Donc du coup, on se retrouve tous les deux, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Et puis aujourd'hui, on va faire un programme très particulier parce que on avait prévu d'un épisode sur Echo. Donc tu as vu Echo? Oui. On a un avis divergent, d'ailleurs. Vergent. Oui, bah, voilà. Je sais pas ce que tu as pensé de la globalité de la série, donc ça va être intéressant. Oui, c'est vrai, tu sais pas. Moi, je sais, toi. On va parler du trailer de Deadpool et Wolverine aussi. Parce qu'en fait, il est sorti pendant le Super Bowl. Ouais. Tu l'as regardé, le Super Bowl ou pas? Non, j'ai pas pu, non. Pourtant, j'aime bien. Mais tu es fan de football américain? Moi, j'aime bien regarder, franchement. Ouais, c'est... Moi aussi. Enfin, je suis plutôt NHL, moi. Je suis plutôt hockey sur glace. Mais, j'aime bien le football américain. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est spectaculaire. Long. Bon, c'est ça long. Dure 4 heures les matchs, mais bon. Oui, t'as des coupures tout le temps. C'est comme le baseball. T'as déjà vu le baseball, non? Là, c'est pareil, il y a tout le temps des coupures. Ah, le baseball, ouais. c'est terrible. C'est ça coupe tout le temps. Et nous allons parler. Alors là, la news est arrivée il y a un peu avant que l'on enregistre. On a enfin le casting des 4 Fantastiques. Voilà. Oui. Le jour de la Saint-Valentin, en plus. Il y a une actrice que j'aime beaucoup. Ouais, je sais, parce qu'il y a une série. Elle joue dans une série que t'aimes beaucoup. Aussi, oui, oui. Puis dans une série de films que j'aime beaucoup aussi. D'accord. Mais tant que tu l'aimes beaucoup. Oui. Donc on va commencer par Echo, je te propose. Maya. Je sais très bien qui tu es. Je l'ai toujours su. N'aie pas peur. Tu portes une telle souffrance en toi. Une telle rage. Que tu ne peux pas les contenir. Ha ha ha! pareil. Alors, qui est le vrai monstre ? Bon, Echo, honnêtement, avant d'avoir ton avis et puis donner le mien, la série Echo, donc c'est une toute petite série de 5 épisodes, une mini-série donc, qui a été créée par Marion Dare, qui est disponible depuis le 10 janvier 2024 sur Disney+. Alors là, il y a une nouveauté, enfin, je sais pas si tu as fait gaffe, mais ils ont tout sorti d'un coup, voilà. On n'avait pas de un épisode par semaine. Ça me faisait un peu à l'ancienne, les Netflix, ils faisaient ça, tu sais, ils sortaient... T'en as pensé quand tu es sorti d'un coup ? Bah ça, pour moi, c'était mauvais signe. Parce que en général, quand Disney Plus fait ça, c'est pour aller, on balance tout de suite, allez. C'est étonnant parce qu'ils l'ont pas fait pour les autres séries, donc ils l'ont fait que pour celle-là, donc. Bah justement, je pense à un peu comme toi, mais on en parlera tout à l'heure. Mon avis, c'est pas anodin que ce soit 5 d'un coup. Effectivement, ça doit être dans cette ton-là. Le contexte de la série est très simple. Alors, juste pour vous informer, ce sera 100% spoiler en tout cas, donc ça sert. Si vous l'avez pas vu, bah coupez. Voilà. Coupez. En tous les cas, si avant que vous coupiez, quand même, on va quand même vous alerter sur certains points, avant que vous coupiez, c'est que je pense que c'est pas possible de regarder cette série sans avoir regardé Hawkeye. La série. Je vois pas comment vous pourriez. Ou Daredevil. Ouf. Bon. Plutôt dans Daredevil, j'irais, parce que dans Hawkeye, finalement, on la voit qu'à la fin. Hein. Oh non, on la voit un peu de temps en temps, on la voit pas un petit peu, tout le temps, mais Daredevil, mais c'est pour le méchant. Plus que pour. C'est lui qui est au centre du truc, quand même. Quand même. Sauf qu'on le voit plus vers la fin qu'au début. Hein. On le voit, on le voit pratiquement à chaque épisode. Hein. On le voit à chaque épisode, je crois. Vite fait, hein. Mais en plus, tu vois pas longtemps. Hein. Enfin, bon, on en parlera tout à l'heure, mais. Ouais. Donc, mais en tout cas, ça fait suite à la série Hawkeye. Et donc, du coup, oui, effectivement, Daredevil. Le Daredevil de Netflix, d'ailleurs, qui est passé sur Disney+. Tu les as vus, toi, les Daredevil, ou pas ? Oui. Pour moi, c'est la meilleure série Marvel. Oui, complètement. Complètement. C'est... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le synopsis, en gros. Donc, après sa rencontre avec Clint Barton à New York, Clint Barton, qui jouait dans la série Le Ronin. Voilà. Maya Lopez donc retourne dans sa ville natale dans l'Oklahoma, voilà, où elle va renouer avec son passé, revoir ses racines, comme on dit, hein, amérindiennes, mais aussi revoir sa famille. Et moi, j'avais un peu l'impression aussi qu'elle allait revoir une communauté. C'est vraiment communauté, je trouvais. Il y avait sa famille, la communauté avec les gens autour. Enfin, voilà. Alors, petite info, tu l'as peut-être pas celle-là. Moi, je ne connais pas Echo particulièrement, même si tu sais que je lis beaucoup de comics. Je la connais que comme celle. C'est la même idée, hein. Elle a été élevée par le Caïd, mais en fait, elle a été recrutée par Matt. Enfin, le Caïd l'a fait recruter au cabinet de Matt Murdock, entre guillemets. Je grossis le truc. Et en fait, elle a pour mission, en fait, de tuer Daredevil, en fait. Voilà. Bref. D'accord. Je grossis le truc, voilà. Mais en fait, il tombe amoureux parce qu'elle découvre que c'est Matt Murdock, et puis voilà. Donc, bon, bref, je passe ça. Je la connais très peu. En tout cas, je la connais à travers 2 BD et un Secret Invasion, pour dire. Non, Secret Invasion, elle y est. Ah, Secret Invasion, Secret, elle y est. Sur les copies. Voilà. D'accord. Elle est cachée. Moi, elle y est pas longtemps. Hein. Mais pour dire, c'est que, en fait, c'est. Alors, dans les comics, c'est une. Elle apparaît pour. Dans le MCU. Donc, en fait, le Ronin tue son père. D'accord. Tu l'as vu, ça, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'elle veut se venger du Ronin. Et on découvre. C'est pareil dans les comics, c'est ça que je veux dire. Non, en fait, non. C'est le Caïd qui tue son père, bref. Mais à la base, le Ronin, c'est elle. Ok. Et en fait, à un moment, elle disparaît, etc. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Elle disparaît de la circulation. Merci les scrolls. Et si tu veux, c'est Clint Barton, donc Hawkeye, qui reprend le costume du Ronin. D'accord. Voilà, en fait, à la base, c'est elle. C'est pas. Voilà. Bref, pour dire. Tu m'apprends un truc. Ouais, mais bon, après, c'est je grossis le truc. Mais Mika, je crois qu'il s'y connaît plus. Et autre chose particulière, moi, qui m'avait choqué dans la série, on en parlera, c'est le fait qu'elle ait des pouvoirs dans la série. Alors qu'elle n'en a pas. Un peu éclaté, d'ailleurs, je trouve. Bon, c'est au-delà d'éclaté. J'arrive pas à savoir. C'est un peu ridicule. Je sais pas quoi ça va. C'est l'impression que c'est des pouvoirs sur mesure. Voilà. Mm. Et elle a pas de pouvoir du tout, en fait, dans les comics, puisqu'en fait, elle a le même don que le Taskmaster, tu sais, elle recopie, elle peut regarder des mouvements de combat, etc. Et en fait, elle a reproduit à l'identique. Elle a reproduit, elle est duplique. Voilà. Et d'ailleurs, dans les comics, il découvre ce don-là, je crois, c'est quand elle regarde quelqu'un jouer au piano. Et donc, elle rejoue au piano derrière. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, mais c'est mon vague souvenir, mais je crois qu'à la base, elle fait ça. C'est parti sur un piano, et puis après, elle a regardé des vidéos de combat de Daredevil. Et l'ennemi de Daredevil, tu sais qui qui vise bien là. Merde, comment il s'appelle ? Il est joué par je sais plus quel acteur dans le Daredevil avec Ben Affleck. Oh, ah je... oui, Colin Farrell. Oui, je vois. Bon, tu vois, hein, celui avec une cible sur le front. Et ouais. En fait, elle regardait pour pouvoir se battre, en fait, elle regardait des vidéos de combat de Daredevil, etc. Et donc, ça lui permettait de se battre pareil. Bah, comme le Taskmaster dans Black Widow. Voilà, c'est un peu les mêmes idées. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas une fille qui a particulièrement un pouvoir particulier. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la série, qu'elle avait un pouvoir, ou même qu'elle avait des ancêtres, bah, tu vois, ça m'a un peu étonné. J'ai vu cette histoire. D'ailleurs, c'est la première chose qui m'a surpris dans l'entrée. Ben oui, ça commence par ça d'ailleurs. Oui, ça commence par ça. Bref, voilà. Ce que je propose, c'est qu'on fait personnage par personnage et non pas épisode par épisode, parce que c'est pas notre truc chez Marvelicieuse de faire épisode par épisode, parce qu'il y a 5 épisodes, on va pas les faire si elle est bien ou pas bien. Je propose qu'on prend quelques personnages et puis on en parle. Moi, je propose qu'on commence par Biscuit. Biscuit, qui est son cousin, son petit cousin, je crois. Le rigolo. Le rigolo, voilà, c'est ça. Ouais. Le rigolo. Donc, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on a pensé de Biscuit ? Bah, justement, au début, j'étais un petit peu négatif à son sujet, parce que je me suis dit, oui, ça va être encore le rigolo de service. Et puis finalement, il est plutôt bien écrit, bien interprété. J'ai plutôt aimé son personnage, en fait. Ouais, pareil. J'ai trouvé qu'il donnait de la fraîcheur. Bonne surprise. Ouais, il n'est pas trop lourdingue comme souvent ce genre de personnage, tu sais, où tu as le comique de service et puis ouais voilà. Et, oui, de service. Donc, ouais, là, j'ai trouvé bien. Oui, aussi. Oh, si. J'ai trouvé certaine... plus drôle que Nick Fury dans The Marvels. De quel film, j'ai pas compris. De quel film Bon, tout ça pour dire, c'est qu'en fait, on a quand même un personnage, moi je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé léger, je l'ai trouvé sympa. Ça faisait du bien. Quand tu voyais, t'étais content quand même. Voilà, j'ai bien aimé la scène où il doit la récupérer, tu sais, sur le train. Du coup, cette scène-là où il dit non, mais la voiture, c'est pas mal. Voilà. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il manque des scènes. Tu vois, j'ai l'impression que c'est le petit rigolo, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais... Ouais, tu penses qu'il était plus développé que ça ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Peut-être. On en parlera après, mais voilà. On va parler aussi, du coup, Alors, il s'appelle Henry Lopez. Je l'ai adoré. Je crois que c'est mon personnage préféré. C'est Henry Lopez. Tu sais, c'est celui qui tient le roller... la boîte où le roller derby, mais c'est pas du roller derby, c'est du roller disco, tu sais. Ah oui, oui, Henri Lopez, oui, le jeune, oui, d'accord, oui, okay. Voilà, qui s'appelle Black Crow, le corbeau noir. Voilà, Henri Lopez, alors lui, j'ai bien aimé, moi, sans plus. Enfin, j'ai pas trouvé l'acteur, et j'aime beaucoup l'acteur qu'on a déjà vu dans d'autres films. Enfin, que je connais de vue, je serais incapable pas de te dire comme ça dans quoi j'ai vu, mais c'est un très bon acteur. Après, comme tu dis, je pense que ça souffre. Cette série, à mon avis, ils l'ont amputé de. Il a joué dans Twilight. J'avais même. Ah, c'est possible, c'est possible. Je viens de le voir. Il a joué dans Twilight. C'est possible qu'il ait joué dans Twilight. Je pense qu'il a été sous-exploité et cuté pareil, comme pour l'autre personnage. Au montage ou comme pour Biscuit, ouais, je trouve ça bizarre. En fait, il n'est pas assez développé. Alors que c'est, pour moi, c'est un personnage qui aurait dû avoir une grande importance dans la série. Ben, je pense qu'il en avait une à la base. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est un peu le mafieux local, tu vois. Oui, oui. Donc, mais le bon mafieux. Celui qui protège le bon la communauté. Même, ouais. Ouais. Le bon il a l'air d'avoir une morale quand même. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, voilà. On a aussi. Alors, moi, il y a ces deux personnages, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. C'est la cousine Bonnie et Shula, la grand-mère. Clairement. Bonnie, je suis d'accord. Elle sert à quoi? Elle sert à... dans deux scènes, je crois. Enfin, bref. Même pas. Elle est là ou pas là, ça change rien. Si, elle sert à... dans la scène du bar, là, si tu veux, quand elle va chercher sa cousine. Ouais. Mais bon, elle sert pas. Par contre, la tante Chula, c'est ça? La grand-mère. La grand-mère, oui, pardon, la grand-mère. J'aime beaucoup l'actrice. Je trouve qu'elle joue bien et pareil, je l'ai vue dans plusieurs films. Elle était dans Danse avec les loups, je crois, de mémoire. L'actrice joue très bien et j'ai bien aimé son duo avec Scully. Oui. J'ai trouvé ça drôle. Ouais, oui, voilà. C'est vrai. C'était mais, drôle. Même Scully, voilà. J'ai trouvé drôle. C'était le grand-père. Ouais, bah, l'acteur, j'adore cet acteur aussi. Oui, oui d'ailleurs, je trouvais que lui, c'était lent. Ça se voit que c'était. Enfin, lui, j'ai trouvé un peu comme Biscuit. Quand tu le voyais, c'était une source de fraîcheur. Ouais. Voilà, et puis il a une expression. Enfin, c'est un très grand acteur. Il peut être inquiétant dans certains films, dans certains rôles, comme il peut être très drôle, rien qu'à regarder en fait. Il est un très bon acteur. Oui. Bon après, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas des personnages non plus qui. Parce que j'ai regardé en oui, fait. Oui. Pas des personnages qui. Tu aurais pu les appeler dans la série. T'as l'impression qu'en fait ils sont là mais qu'ils apportent rien vraiment au récit quoi. Oui c'est ça. Mmh. Et la série tourne autour justement de l'actrice principale dont on va parler. Mmh. Maya Lopez donc Echo ouais. Qui est jouée par Alaka Cox. Voilà. Alors du coup ça sert à rien. Elle n'était pas connue avant. Elle a ce rôle en palmarès. Elle n'a pas d'autre. Mmh. Et elle est vraiment une hijambiste. Enfin, oui. Bah, c'est pour ça, oui. Elle est aussi sourde, ça, je pense. Les deux. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que toi, t'aimes bien la version. Enfin. Est-ce que t'aimes bien le personnage d'Echo? Alors, je connais pas le comics, donc je peux pas comparer. Alors, le comics, c'est en fait, c'est un personnage qui est récent, c'est un peu comme les Miss Marvel et tout. C'est apparu dans. Et en plus, elle est apparue dans un comic de Daredevil. Elle a pas un comics à elle, en fait. D'accord. Elle est tout le temps au début, elle apparaît vraiment avec Daredevil, et c'est au début des années 2000, je crois, qu'elle apparaît. Voilà. Donc toi, tu en penses quoi de ce personnage? Bah, je trouve le personnage. Alors, l'actrice, je la trouve très bonne. Je trouve qu'elle joue très bien son rôle. Elle est émouvante par moments. Mais par contre, son personnage, dans la globalité de la série, je la trouve assez antipathique, en fait. J'arrive pas à ressentir de la sympathie pour elle. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce qui est un oui, peu dommage, parce que finalement, il lui arrive. T'as pas peur pour elle, quoi. T'as plus peur pour ses amis, en fait. Oui. Pour Biscuit, Scully, etc., qu'il leur arrive des trucs que Maya, en fait. Comme je la trouve pas vraiment sympathique, c'est dû au flashback quand on la voit avec. En parler après, avec le caïd. C'est pas une fille bien, quoi. Donc. Tu sais que dans les comics, elle a pas du tout ce très caractère-là. Parce que là, elle a l'air un peu, comme tu dis, introvertie dans son monde. Enfin, elle veut devenir la reine à la place du caïd. Enfin. Oui, non, mais c'est pas l'actrice, hein, c'est son. Oui, c'est ça, c'est le rôle. Et tu vois, dans les comics, c'est pas du tout comme ça. Elle est pas comme ça du tout. Enfin, elle est plus exubérante. Voilà. Mm. Plus exubérante. Puis même, j'ai pas trouvé que forcément les combats étaient beaux, quoi. Bon, je sais pas toi. Parler, mais le premier épisode, si. Oui, mais après. Non, mais après, c'est le problème, c'est. Et encore, le premier épisode, c'est une introduction en fait, parce que à l'épisode 2, 3, 4, 5. Parce que quand tu regardes à la fin du premier épisode, ils font une sorte de résumé de la saison. Ouais, mais je sais pas si on peut en parler maintenant, mais. Si, vas-y. Le premier épisode, qui est en fait le meilleur, qui nous ont vendu du rêve avec la bande-annonce avec Daredevil, etc. On vous prévient tout de suite, ne vous attendez pas à voir Daredevil, vous allez l'apercevoir dans le premier épisode. Et encore, si tu clignes les yeux trop vite, tu le vois pas. Ouais, un petit peu plus quand même. Et le combat qu'il y a entre deux, il est très court. Il doit durer une minute. Mais il est très intense. Et puis, elle se prend une bonne branlée. Il est très intense et très très bien fait. Hein. Franchement, j'étais. En même temps, Matthew Cox, quoi. C'est ça, hein, c'est Matthew. Genre Charlie Cox. Oui, non. Ouais. Oui. Après, je ne sais pas si c'est celui qui fait vraiment tous les combats, mais je pense qu'ils ont pris les mêmes chorégraphes que. Pour cette scène, ils ont dû prendre les mêmes chorégraphes que les séries Netflix. Bah tant mieux. En tout cas, j'ai trouvé le combat bien, mais mais tu vois c'est après j'ai à part le combat aussi qu'il y a eu dans la scène là, et encore je trouve que dans la tout scène, ça pour ça la scène sur la piste de patinage quoi. Oui, enfin elle est pas nulle mais elle est pas exceptionnelle non plus quoi. Non, oui, puis au final tout ça pour ça quoi. Mais Ça, mais c'est vrai que oui, d'heure de vie, tu vois, j'avais même pas noté. Ça résume bien la série, tout ça pour ça. Oui, c'est ça, tout ça pour ça. Et en fait, c'est le truc, c'est que en fait, Daredevil, t'avais vendu que tu le verrais quand même, mais là, en fait, tu le vois pas du tout, quoi. Enfin, tu le vois bah, l'aperçois. Tu l'aperçois, il dit juste merci d'avoir gâché mon moment. Et ça fait, on a l'impression que ça fait oh là là, mon avis, c'est ça qui s'est passé. Au départ, il devait certainement pas y être du tout. Et quand la série a été annoncée, tout le monde a dit ouais, c'est moisi, on s'en fout. Ils se sont dit oh là là, on va foutre un peu de Daredevil. Ouais. Et comme ils ont réécrit Daredevil entre temps. Bah, ils ont tout refait. Ils ont tout refait, je pense que oui. C'était pas prévu au départ et ils nous ont présenté le Daredevil qu'on attend pour nous rassurer en fait. Je pense avec Mika on va en reparler parce qu'en fait c'est Daredevil Born Again et c'est il y a le vrai comics qui s'appelle Daredevil Born Again. D'accord. Ouais. Okay. Donc voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on va prévoir un épisode là-dessus avec, avec Mika. J'espère que ça va être au niveau que ce qu'étaient les séries Netflix en tout cas. Ouais, oui, j'espère aussi. Et alors du coup oui, comme je disais tout à l'heure c'est que Echo alors là moi je pense comme toi pour Echo mais je trouve qu'elle était quand même elle avait quand même un certain charisme comme tu dis mais je pars du principe qu'un personnage est bien joué lorsqu'il est difficile de mettre quelqu'un d'autre à la place de l'acteur et je trouve qu'elle incarnait quand même bien l'Echo voilà. C'est bien approprié le personnage. Voilà. C'est bien approprié. Ce que je disais, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est très bien. Hein. Franchement, elle a un charisme, elle a quelque chose, mais c'est son personnage qui n'est pas attachant, je trouve. Alors que dans les comics, elle est plus extravertie. Quoi. D'accord. Ah, bah oui, parce que par exemple, là, tu sais, ça me fait penser un peu à la. Tu sais, au même. Groot, je crois que c'est Groot quand il est amoureux, Groot quand il est. Tu sais, il a toujours le même visage. Je sais pas si tu vois ce genre de. Alors j'ai vu c'est Groot, je sais plus, j'avais vu une photo, plusieurs photos en fait, Groot, enfin machin heureux, machin triste, et en fait il avait tout ton même visage. Rien en fait, t'as l'impression que c'est pareil. Quelque chose, mais... Ouais, t'as l'impression qu'elle est figée. Elle est heureuse, elle est pas contente. Oui, elle est. Elle est un peu. Mais c'est le personnage qui écrit comme ça en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a pas une expression du visage, des émotions. Voilà, ça se ressent pas. Voilà. Parce que quand même, quand elle rigole, tu te dis, elle se retient, quoi. Donc, et encore, elle rigole pas beaucoup. Et il y a un truc que j'ai pas aimé, alors on va en parler, c'est... Alors, j'ai dit clairement, dans les comics, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y en a pas. Son seul pouvoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ça, en fait, pour ceux qui l'ont vu, alors je crois que c'est Shakto, la tribu Shakto, je crois que c'est ça. Shakto. Et la... Voilà, une tribu amérindienne. Et en fait, tu vois, j'ai vraiment eu des difficultés à comprendre. Chaque début d'épisode, tu as une sorte de débrief origine. Donc déjà, il fallait te placer dans le timeline à quel moment c'était dans les ancêtres, au niveau des ancêtres de... Parce que je crois que c'était tous des ancêtres au final. Je crois. Je suis même pas sûr de moi, parce que j'arrivais pas... Justement, tu vois, la preuve que j'arrive pas à savoir. T'as une sorte d'introduction sur un ancêtre ou une ancêtre ils ont des pouvoirs qui se débloquent à un moment donné quand ils en ont besoin. D'accord. Mais alors là, le pouvoir, c'est ils ont une spirale dans les mains et honnêtement, t'as l'impression que le pouvoir se déclenche en fonction du moment. Voilà. Oui, enfin, c'est pas toi. C'est genre à un moment, elle est coincée dans le train. Ah, je suis coincée, ma jambe est coincée. Donc du coup, elle a... des mains assez fortes, tu vois. Ouais, c'est un peu le... C'est genre... Ça facilite le scénario aussi, c'est les raccourcis pratiques. Aujourd'hui, son pouvoir, c'est... Enfin, alors, on n'a pas de base, mais... En fait, c'est des pouvoirs à la carte. À un moment, je crois que faut qu'elle puisse convaincre le caïd d'arrêter ou je ne sais quoi. Du coup, son pouvoir lui permet de rentrer dans l'esprit du caïd. Ouais, rien ouais, à voir avec le fait qu'avant elle pouvait enlever, elle pouvait repousser un wagon de train. Quoi. Oui, non, c'est sûr, là-dessus, c'est un peu n'importe quoi, je suis d'accord. Mais surtout que ça ne servait à rien. Enfin, honnêtement, qu'il soit là ou pas. Non, mais. On est d'accord. Donc, et puis en plus, la façon dont ils sont représentés à l'écran, c'est pas très convaincant, c'est plutôt ça frise avec le ridicule, je trouve. Oui, c'est ça, c'est juste une inscription sur la main, je crois, une sorte de spirale. Ouais, enfin, ouais. Bon, c'est bizarre. En tout cas, c'est pas forcément utile, mais bon, voilà. Mais bon, un personnage quand même qui est bien joué dans la suite, en fait, de la série. De la série Hawkeye, au final. C'est pas. La distribution et les acteurs sont très bons. Alors là où j'étais un peu surpris, je croyais que le film, vu comment il était vendu, je me dis bon, il y a Daredevil, etc. Je me suis dit au début, avant de le regarder, ça va se passer à New York. Alors là, je ne suis pas posé la question, mais effectivement, oui, au départ, quand ils avaient parlé de la série, pour moi, ça allait se passer à New York. Oui, je suis d'accord. Et en fait, ça se passe pas du tout. C'est dans une communauté dans l'Oklahoma. Ouais. Voilà. Après. Rien à voir. Ça coûte moins cher. Je pense que t'en es à New York déjà. je pense la raison principale. Mais c'est vrai qu'à New York, ça aurait rajouté quelque chose en fait. Mais bon. Après, ils voulaient pas que ça fasse trop un Daredevil 2, quoi. Je pense aussi. Ouais. Après. Tu vois, dans l'ambiance, fallait faire une ambiance totalement différente, je pense. Ouais. Parce que Daredevil, c'est déjà c'est New York, hein. Enfin, c'est pas New York, mais c'est. Daredevil, ça se passait où déjà? Je me rappelle plus le nom de la ville. C'est Hell's Kitchen. Ah non, c'est. Non, tu veux dire dans She-Hulk? C'est à Los Angeles, je crois. Non, je parlais pas de She-Hulk, hein, je parlais de. Daredevil, c'est à New York, c'est dans le quartier d'Hell's Kitchen. C'est d'Hell's Kitchen, ouais. Donc en fait, comme ils avaient déjà fait à New York, si tu veux. Je pense que c'est pour différencier un peu, créer une autre ambiance, en fait. Alors, tu sais, je vais t'apprendre un truc, c'est que j'ai un pote qui est influenceur et qui fait des vidéos sur YouTube. Et en fait, lui, il avait vu les trois premiers épisodes. Ouais. Uniquement. En fait, d'accord. Disney Plus lui avait donné accès qu'aux trois premiers épisodes. Ah bon? Et en fait, quand tu regardes, en fait, sur les cinq épisodes, les trois premiers, ils sont globalement bien. Mais les deux derniers, c'est pas tip top, quoi. Moi, j'ai vraiment aimé que le premier, mais bon, bref. Bah, en fait, moi, en posant des questions, les gens, ils ont aimé le début, mais pas la fin. Enfin, moi aussi, j'ai bien aimé le début, mais à la fin, je commence à. Mais, et en fait, il faut que tu saches, c'est que au début, ils ont tous vu que les trois premiers épisodes. Et il reste persuadé, lui et ses collègues, qui, en fait, c'était fait exprès. Que tu vois les trois premiers épisodes en disant, ah, c'est plutôt pas mal. Et que pour pas montrer les deux autres qui étaient à chier, en fait. Ah, tu crois? C'est pas moi, en fait, ils le pensent tous, en fait. Parce que quand ils sont invités à Disney Plus à regarder des épisodes, ils peuvent en avoir deux ou trois, généralement. Ouais, c'est ça, voilà. C'est rarement l'intégralité. Et en fait, là, c'était quand ils ont vu les trois, du coup, c'est bien. Et puis quand ils ont vu 4 et 5, ils se sont dit, mais c'est quoi, ça n'a rien à voir avec les trois premiers, ça. C'est pas au même niveau. Mais tu vois, s'ils auraient voulu faire un bon coup de pub, et ça aurait fait moins louche en plus, ils auraient dû faire voir que le premier. Et les influenceurs auraient eu un très bon avis sur la série et ils auraient fait la pub, quoi. Ouais. Pas bon. Ouais, mais bon. Ça va pas. Bon, en tout cas, cette série, vous attendez pas un truc de très. Enfin, c'est pas la série ultime, quoi. Voilà. Mais c'est pas tranchant, comme on dit. Voilà, c'est moins naze que ce qu'on imaginait. Oui, c'est ça. Enfin, en même temps, tout le monde est parti sur le fait que c'est Sodaz, et en fait. Oui, voilà. On va parler du Caïd. Et j'ai envie de te dire, mon petit, je l'attends de là. Ah, juste, attention, prépare-toi, j'attends un moment, parce que je l'ai faite ce matin dans ma bagnole. Je lui dis, il faut que je fasse une vanne. Il faut que je fasse un jeu de mots. Alors, dis-moi. Moi. Est-ce que le fisc s'impose dans cette série? Oh là là. Oh, putain. C'est une fucking blague. Comment tu la trouves? Ah, t'as vu ça? Ah, c'est bien, hein. Est-ce que le fisc s'impose? Ouais. Oh, j'y ai pensé ce matin. Alors, Tony, tu n'arriveras pas à ce niveau. Ouais, il n'atteindra pas le niveau. Je trouve que le personnage de Fisk, c'est une des meilleures interprétations de personnages de comics, transposition de personnages de comics de tous les temps chez Marvel. Et tu as vraiment l'impression de le voir. L'acteur, il est hallucinant, enfin. Vincent D'Onofrio. Ouais, il est exceptionnel dans ce rôle. Et tu vois, c'est là où tu te dis qu'il a joué dans Daredevil où il était exceptionnel. Ouais, bah là, ils l'ont gardé quand même. Ils l'ont gardé, et puis à la limite, je trouve qu'il joue encore mieux. Et c'est, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure. Il joue encore mieux. Je fixe que ça peut être que lui maintenant, quoi. Donc, ouais, c'est comme Loki, hein, ça peut être que Tom Hiddleston, c'est pareil. C'est comme Iron Man, c'est comme Robert Downey Jr. Il le joue tellement bien, c'est une claque. Et ça vaut le coup, rien que pour les scènes où, à chaque fois, il y a des scènes avec lui dans Echo, toutes les scènes sont géniales. À chaque fois que je le vois, ça me fait penser, tu sais, parce que c'est l'acteur qui joue Langage et Baleine, tu sais, dans Full Metal Jacket. C'est lui qui, donc à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir aussi Il est exceptionnel dans Langage Full et Baleine. Metal. Oui, franchement. Oui, ouais, il n'a pas non plus un rôle. Langage et Baleine, c'est pas non plus le rôle C'est qui dure quand tout le même le film. rôle choc du film, Oui, quand le rôle même. choc, mais il dure pas tout le film, quoi. Mais c'est le rôle Il le choc. fait bien, franchement, Ouais. il est. Mais La fameuse il est comme. scène. Ouais, Langage et Baleine! En tout cas, c'est vrai que. Ah non, En fait, le truc, c'est que tu peux pas être déçu par lui. Non, non, puis il a vraiment créé. Tu sens qu'il incarne pas, quoi. Il est lui, quoi. Je sais pas comment Ouais, il t'expliquer. maîtrise le personnage, quoi. Et il a une gestuelle qu'il a créée que pour ce personnage. La façon dont il parle, qu'il bouge, il l'habite carrément, quoi. Il fait vraiment ce côté parrain, tu sais, Fais ce pas de côté blague. caïd, quoi. Ouais. Hein? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je dis, ne fais pas de jeu de mots. Ah non? Pourquoi? Je dis, il l'habite Ah ouais? carrément. D'accord. Oui, il le vit. Il le vit. Oui, il le vit, voilà, il le vit. Voilà, il le vit. C'est vrai que là-dessus, on peut pas être déçu. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment le personnage où tu peux pas être déçu du tout, en fait. Ah non, non, Donc. et je prie, je prie, je prie, je prie pour qu'il soit dans les Daredevil. Hein. Bah oui, il va y être. Oui, c'est Ah ouais, prévu parce qu'il y que soit. Il est franchement. même prévu d'être dans Spider-Man 4. Donc. Voilà. Ouais. Parce qu'à la base, c'est un vilain de Spider-Man, hein. C'est pas un vilain Oui, de tout à fait, Daredevil. oui. Bon, on le voit dans les dessins animés, dans le dessin animé. Oui, donc c'est après qu'il est devenu. Ouais. Il vient, sache que. Il vient de Hell's Kitchen, comme Daredevil, donc voilà. Il connaît Ben bien le voilà. quartier, quoi. Il connaît bien le Tiekkar, quoi. Donc voilà. C'est le caïd, hein, Donc, c'est le patron. le Kai, c'est le boss, voilà. Non, puis en fait, pour revenir dessus, il est glaçant. En fait, si tu veux, Ouais. des fois, Et il puis est tu sais, calme et sans posé. émotion, Il il est est, méga il, t'as violent. l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. Tu te dis, il va péter un câble, comment il va réagir? Enfin, il est vraiment top. C'est un des meilleurs Bah, c'est personnages. quand il tabasse le vendeur de hot dog parce qu'il s'est moqué d'elle parce qu'elle est sourde. Ah ouais, c'est ce Mais qu'on voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. ouais, c'est ça. Et tu te dis, la vache, comment il lui met. Le mec, il bougeait pas, j'arrive. Il sort, bam, Ah oui, il il fait vraiment massacre. psychopathe. Enfin, Voilà. et en même temps, il a des côtés attendrissants par moment. C'est vrai, hein? Bah d'ailleurs, Et quand tu puis. regardes dans la série Daredevil, quand il avait trouvé sa copine, sa Ouais, femme, il était attendrissant. et puis d'un seul coup, il bascule du côté glaçant et brut. Enfin, non, non, c'est l'interprétation, tu peux pas faire mieux. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'un des. D'ailleurs, le point fort de la série, c'est Vincent D'Onofrio. Faut dire ce qui est. Ah, mais il serait pas dans la série, ça serait une purge, hein, Ah, franchement. complètement. Ah oui, ça serait un méchant de. De toute façon, un petit peu pas savoir quel autre méchant ça pourrait être, mais c'est vrai que s'il n'était pas dans la série, c'est vrai que c'est pas. Franchement, il est exceptionnel. Ça vaut vraiment le coup pour sa prestation. Oui, carrément. Mais tu vois, je trouve que justement, contrairement à toi, je trouve qu'on le voit pas assez, parce qu'en fait, pour le peu qu'il joue dans chaque épisode, tu le vois pas tant que ça. Quand tu Non, non, regardes, mais il revient. Alors. Il est sous-entendu. Au début, il est sous-entendu, tu vois. Au début, il est sous-entendu. Après, il revient, tu le vois 5 minutes, il veut manger avec elle, machin. Oui, mais je Tu vois pense un que peu l'origine c'est. story. Je pense qu'ils ont bien fait. Parce que tu le vois pas beaucoup, effectivement, mais à chaque fois que tu le vois, c'est dans une scène marquante. Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est intense. Et c'est intense, quoi. Je pense que c'est par le fait que tu le vois pas tant que ça, finalement. Mais Et à la chaque fois que scène tu où le il vois, explique avec le marteau, il tu sais, Ah ouais, celle-là. non. Oh, celle-là où il explique avec le C'est marteau. Voilà. exceptionnel. Ouais. Ah oui, là tu dis putain, oui, c'est un bourrin. C'est exceptionnel. Et puis la scène aussi avec la traductrice, tu sais. C'est bon, vous pouvez y C'est aller. bon, vous y allez. Dieu le oh là là, le gars, quand même, il est un peu taré. Ouais. Non, non, Ouais, il est c'est. exceptionnel. Vas-y, partez. Plus Ouais. loin. Donc. Bon, il y a ça. Et puis, je crois qu'on a fait le tour des personnages. En fait, au final, c'est pas une série où il faut vous attendre à beaucoup de personnages. Parce Non, que il n'y en quand a tu pas regardes, beaucoup. à part Henry, Echo, Shula, Scully, Bonnie et Wilson Fisk, ça fait 6, et Biscuit, ça fait 7. C'est vrai. Et quand tu regardes, il n'y a Alors. pas forcément d'interaction vraiment complète. Bah, C'est à chaque fois, ils se rencontrent en un ou deux personnages. Trois, je veux dire, deux ou trois personnages. Franchement, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que ça ne rencontre pas grand-chose, hein, cette saison. Finalement. De toute façon, il n'y a qu'une. Enfin, ils n'ont pas prévu d'autres saisons, mais je crois C'est pas. finalement c'est plus une origin story. Enfin, on en apprend avec les conversations avec Fisk, entre Echo et Fisk. C'est plus une origin story des deux personnages. Et puis ça commence à lancer un truc, et puis ça se termine. Putain, allez, maintenant, faut qu'on arrête le truc. Ils ont clôturé la série d'une manière ridicule et rapide. Enfin, Alors moi, je suis. Alors, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de notre pensée sur cette série, mais je pense que ça devait pas être 5 épisodes de base. Voilà, on va l'impression. Ouais, je pense qu'ils Alors, vont sont... la critique de manière générale, parce que je me suis intéressé à savoir, donc en fait, la critique n'est pas du tout élogieuse. De manière générale, la critique, j'ai regardé plusieurs, tu sais, plusieurs journaux de cinéma et de séries, voir ce qu'ils disaient, quelques sites internet de référence. Et en fait, la plupart sur 5 étoiles donnent 1 ou 2 étoiles. Oui, mais tu sais, j'ai envie de te dire, maintenant, c'est un peu systématique. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, mais tu regardes la saison 2 de Loki, il y a beaucoup de mauvaises critiques. Hein. Oui, mais Donc, Loki? oui, la saison 2 de Loki, franchement, il n'y a pas. Ah ouais? Ah ouais, non, tu regarderas. Il y en a des bonnes, hein, mais il y en a beaucoup qui. Je Mais suis pas sûr que ce soit du 50-50, hein. de manière générale, ils disent tous qu'en fait, c'est pour eux, c'est peu inspirant comme série, peu tranchant, et Ben, ça que en sert à fait, rien on a un surtout. sorte de faux drame familial qui prend pas en fait. Qui prend pas. Non, Et tout à fait. en fait, ça convainc pas forcément de. Enfin, en fait, t'es pas convaincu par l'utilité. Après, je sais pas si réellement ça a une utilité dans le MCU, parce que je sais pas si t'as vu maintenant, c'est sous le label Marvel Spotlight. Oui, d'ailleurs, oui, c'est si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est à part. Oui, c'est un Donc, nouveau label. mais ça veut dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la timeline du reste. Alors. D'après ce que j'ai compris, c'est un label qui existe dans les comics déjà, je crois. Alors, de ce que j'ai compris de cette franchise Marvel Spotlight, c'est-à-dire que c'est une série que tu pourrais regarder Ah, sans sans avoir. Voilà, forcément c'est à suivre le part. MCU. Voilà. Et alors, c'est le contraire de ce qu'on disait au début, finalement. Alors que oui, c'est quoi? Parce que si t'as pas vu Hawkeye, Bon, ben c'est un si peu t'as pas vu difficile. Hawkeye, franchement, je pense que c'est pas. À la limite, ce Marvel Spotlight, tu pourrais l'utiliser à la limite Franchement, pour Moon Knight. Tu vois? Moon Knight, tu peux l'utiliser, je pense. Ouais, Mais. mais je pense que franchement, Echo, tu comprends ce qui se passe quand même si t'as pas vu Hawkeye, hein, ou ni Daredevil. Alors par contre, effectivement, si tu connais pas Daredevil et que tu vois la scène avec Daredevil dans l'épisode 1, tu te dis c'est quoi ce truc quoi, si tu connais pas tu comprends pas ce qui se passe quoi en fait. En tout cas, oui, que tu disais tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, mais tu as raison. C'était aussi des comics, comme le nom de série de comics, en fait, qui s'appelle aussi. Oui, tout à fait. Et normalement, Donc. c'est pour un arc narratif seul, en fait. C'est C'est ça, exactement. Ça, mais il y a eu ouais. un aussi, les Dark Knight, ça. Il y a eu pas mal de trucs comme ça. Mais voilà, c'est pas. C'est des sortes de séries, en fait, tu suis un héros, mais je crois qu'il n'y a pas forcément de lien, Oui, comme enfin, tu dis, Moonlight MCU. aurait pu très bien Ah oui, faire Moon partie, Knight, ouais. pour moi, à la limite, ça pouvait, quoi. Ça pouvait. Bon, ils ont eu l'idée Là, du celui-là, il label. pouvait pas trop, au final. Celui-là, il Ouais, pouvait c'est. pas trop au final quand tu regardes. Parce que t'es obligé de regarder Hawkeye, tu vois. Que. Non, t'es pas Enfin, je sais obligé. pas. Je suis sûr que non. Non, t'es Bon. pas obligé du tout. Après, Non, t'es pas obligé. en fait, tu te sens obligé parce qu'en fait, il y a des rappels à la série. Donc c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des flashbacks. Ils refont voir les scènes où Echo tire sur Fisk. Et J'ai cette scène est regardé, en fait, ils tirée disent qu'en directement fait. de Hawkeye. Et puis effectivement, Il il y a précise, Daredevil. je suis en train de lire, il précise qu'en fait, ce que je suis en train de lire, ce que dit Winterbaum, qui est bref, quelqu'un de Marvel Studio, et qui dit dans un communiqué de presse qu'en fait, le Marvel Spotlight permet de consacrer en fait une série sur des enjeux qui sont plus personnels aux super-héros que énormes au niveau du MCU. En gros, on va dire c'est la franchise égoïste quoi. C'est tu te concentres sur ou individuel. C'est tu te concentres sur un personnage et sur son histoire plutôt que de consacrer aux enjeux du MCU. Dans ce cas-là, ça c'est du coup Dans dans ce ces cas-là cas-là, oui. Hawkeye, on faisait partie aussi, alors. Bah pas forcément parce que t'as avec Kate Bishop. Tu vois. Pour moi, Moon Knight par exemple, ça fait plus partie du spotlight qu'autre chose, tu vois. Donc à voir. Ouais, je sais pas. Ouais, bon, on verra. Après, c'est le genre de truc que je comprends pas, ces genres de décisions. Je vois pas en quoi c'est. Voilà. Est-ce que c'est lié aussi au fait de dire vu qu'ils veulent donner moins d'argent, je sais pas. Ou qu'ils Ouais, veulent je sais faire pas. moins de séries de grosse envergure. Je sais pas non plus. Bon, en tout cas, on n'a pas des critiques vraiment élogieuses. Alors, de manière générale, toi, t'en as pensé quoi de la série? Bah, comme je l'ai un peu dit auparavant, j'ai un peu dévoilé mon ressenti. Je n'ai pas trouvé ça nul. J'ai pas trouvé ça top non plus. J'ai pas regardé, je pouvais pas regarder plusieurs épisodes à la suite. J'ai fait les deux premiers. Et quand j'ai vu le à la suite, parce que j'avais beaucoup aimé le premier, quand j'ai vu que le deuxième, j'ai dit ouais, c'est bon. Là, ça va partir en fait ce qu'on a vu. Ça part sur autre chose. Après, j'ai regardé le 3. J'avais pas envie de voir le 4. Je me suis un peu. J'ai vu le 4 et j'ai mis longtemps avant de regarder le 5, en fait. J'ai pas trouvé ça passionnant du tout. Et puis la poudre aux yeux qu'on avait sur l'épisode 1 qui est très réussi. À part cet épisode très réussi et la fameuse scène de Fisk qui tabasse le laitier, là, enfin le glacier. En fait, tout ce qui est bien, c'est ce qu'il y a dans la bande-annonce. Clairement. C'est dans la bande-annonce, ils te vendent du Daredevil et du Fisk ultra violent. Et ben voilà, c'est ce qu'il y a Ben, de mieux dans on la est série. fisque violent, mais après, pour le Oui, plus non, mais de c'est c'est. dans l'avance, quand tu dis. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est la seule scène où il est vraiment violent dans la série, c'est celle qu'on a dans la bande-annonce. C'est ça. Donc la bande-annonce, c'est ce qu'il y a de mieux dans la série, en fait. Ben, C'est ça. voilà, ça m'a. J'ai pas été, je peux pas dire déçu parce que je m'attendais vraiment à rien et c'était quand même mieux que ce que je pensais. Mais et puis le final avec l'utilisation des pouvoirs, enfin, il y a pas de climax, il y a pas d'enjeu avec la scène finale. C'est allez, faut qu'on termine maintenant. Donc la façon dont elle paralyse Fisk, par exemple, à la fin, j'ai trouvé ça ridicule. C'est ridicule. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais la scène est ridicule. Ça fait off, Ouais. faut qu'on termine maintenant. Hein. Bon, alors on va faire ça, on va voir ça Le comme truc, c'est pouvoir. que, alors, je te rejoins, mais c'est même pas au niveau que c'est ridicule. Moi, je peux pas dire que j'ai bien aimé. Je peux pas te dire que j'ai pas aimé. J'ai envie de dire, ça se garde, ça se regarde. Oui, Ça c'est se ça, regarde. ou tu la Par reverras plus, contre, quoi. sans saveur particulière. Et j'ai trois impressions, et je pense que tu vas me rejoindre dessus. J'ai trois impressions qui fait que ça n'a pas de saveur. C'est que j'ai cette impression. Alors, déjà, quand j'ai vu qu'il n'y avait que 5 épisodes, j'étais surpris. Et en plus, il ne dure pas une heure. Il dure entre 35 et 40 minutes, même pas des fois, je crois que le plus long, c'est 40 Ça minutes, je crois. dépend, je crois. Ouais. Ouais. Ouais. Et encore, tu enlèves le générique. Hein. Et si tu veux, je lui dis 5 épisodes, c'est obligé. Ils ont cuté le truc à mort. Je pense que le truc originel, la série originelle, devait être beaucoup plus longue. Vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont coupé? C'est ça Ça que je se comprends pas. ressent, parce que les personnages sont peu ou pas beaucoup, peu ou mal exploités. Je vois Biscuit par exemple, je suis sûr qu'il était plus exploité que ça. Henry, je suis sûr, il était plus exploité que ça. Les grands-parents, ils sont séparés, tu sais pas pourquoi, etc. En fait, il y a des trous dans la raquette, dans le scénario. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des trous dans la raquette. C'est, pour moi, ça devait être beaucoup plus long comme série. Et pas sur 5 épisodes. Ouais, Ça mais est-ce qu'ils fait ont tout neuf, coupé tu ou vois. alors ils ont raccourci le tournage? Alors, justement, ma deuxième chose, non, je pense qu'il y a eu le tournage complet. Et je pense qu'en fait, ça c'est mon premier point, donc je pense que c'était beaucoup plus long et qu'ils ont cuté à mort, mais vraiment. Et tu sens bien qu'il y a des moments qui sont mal exploités, qui sont même peu exploités. Tu comprends pas Bonnie, pourquoi la grand-mère le contacta pas, enfin, pourquoi elle veut pas voir réellement Bonnie. Au final, elle la voit très vite, enfin, tu vois. Bref. Et la deuxième chose que je pense. C'est que comment cette série-là, en fait, les gens déjà, il a critiqué avant qu'elle sorte. D'ailleurs, toi le premier, parce que tu disais tout à l'heure, t'attendais pas Oui, grand-chose dans non, cette série. mais Et je pense qu'en fait, vu que c'était tourné, ou que c'était payé, que c'était tourné, il fallait le balancer en fait. Fallait le balancer, donc ils ont balancé. Et c'est pour ça que on a eu les 5 épisodes d'un coup. J'ai l'impression qu'ils ont balancé la série comme ça. Allez, hop, bouffée de ils ça et ont. go, et ça c'est Ouais, fait. ouais. Tu vois? Pourtant, Donc ils ont c'est quand lié même fait aussi. une bonne com en te faisant une bande-annonce de ouf, quand même. Hein. Ouais, C'est mais bon. la bande-annonce quand tout le monde l'a vue. Même tous ceux qui étaient sceptiques sur YouTube, sur tout ce que tu veux, tout le monde disait, voilà, ça a l'air d'être de la bombe. Oui, c'est ça. Mais au final, non, ça ne l'est Mais pas. non, non. Et la troisième chose, c'est que je pense que l'intérêt de cette série, il devait en avoir un. Mais j'arrive toujours pas à le trouver. Et en Ouais, fait, non, mais c'est. ça raconte Ce qu'elle rien, en dit au fait. début, je vais être la reine à la place du Cade. Et en fait, au final, bah, elle fait rien en fait pour prendre sa place. Elle fait non, que de se défendre d'attaques de Kaïd, c'est tout. Elle fait rien. Ouais, non, c'est... Et je pense qu'en fait, à mon avis, il y avait des scènes, beaucoup de scènes où elle essayait de prendre sa place, où elle essayait de s'imposer dans la communauté. Tu sais, à mon avis, ils ont changé beaucoup de choses à partir du moment où ils ont décidé de modifier la série Daredevil. Il n'est pas impossible que celle qui allait être la méchante des Daredevil, tu vois. Tu vois que peut-être qu'elle allait peut-être même tuer Fisk. Enfin, je sais pas, tu vois. Et ils se sont dit, oulala, ça pue, faut qu'on refasse Daredevil comme ça pue. Donc, faut refaire Daredevil comme les gens l'ont aimé sur Netflix, c'est ce qu'ils veulent. Donc, du coup, Fisk. Enfin, je pense à un truc comme ça, en fait. Mais moi, je m'attendais à quelque chose quand même. Enfin, je veux dire, les chorégraphies, enfin, les bastons, à part le premier épisode, c'était. Enfin. Non, c'était nul. Terrible, hein. Moi, j'attendais un truc saignant, tu vois, sanglant, comme dans les comics, un truc comme dans la bande tabasse, quoi. Ou comme dans la bande, qui est tabasse, quoi. Elle tabasse, il y a cinq mecs autour d'elle, vas-y, elle les tabasse, etc. Voilà. Par contre, j'ai bien aimé les scènes, tu sais, vu qu'elle est sourde. Tu sais, des fois, t'avais juste l'image, t'avais pas de son. Ou t'étais comme ça. Oui, mais si non, par moment, il y a de l'idée de mise en scène et tout. Il y a des petits trucs. Ouais. Tu vois, tu le dis toi-même, par moment. Et je pense qu'en fait, c'était avant, ces moments-là étaient nombreux. Voilà. Bon, bref, je la trouve bâclée en fait. J'ai l'impression qu'elle était complète et qu'il fallait la sortir. Et ils ont essayé de prendre l'exploitable pour eux. Et puis voilà, ils l'ont balancée. Donc, non, mais c'est... clairement, elle ne sert à rien cette série. Par contre, voilà. Faites-vous les scènes avec Fisk. Passez en accéléré à la limite. Ouais. Et dès que vous voyez Fisk, vous regardez. Parce que franchement, ça vaut le coup. Oui. C'est l'intérêt après, de la série. Oui. Oui. Bon, une série qui se regarde sans saveur. Est-ce qu'on peut résumer ainsi ? C'est parfait, c'est tout à fait voilà, ça. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un podcast sur la série Netflix de Daredevil parce que elle est. Voilà. Et j'ai bien aimé. Non, c'est vrai, ouais, c'est, ouais, faut Jessica faire... Jones, j'ai adoré aussi. Ouais, j'ai bien aimé Jessica. J'ai aimé aussi. Luke Cage ou Iron Fist ? Luke Cage, j'ai bien aimé. Ouais. À la saison 2, j'ai pas accroché forcément. Pareil, c'est très bien porté par les acteurs, les méchants. J'ai bien aimé aussi la saison sur les Défendeurs. Je trouvais ça pas mal. Ouais, c'était décevant quand même. Attends, tout le monde s'attendait à un Avenger. Ah ouais, pas moi, non, tu vois. J'attendais un truc du même style. Voilà. Jessica Jones, j'avais beaucoup aimé. Oui. L'actrice, en plus, elle incarne bien Jessica Jones. Avec la saison avec David Tennant, super. Ah oui, bah oui, il faisait l'homme pourpre. Ouais, il faudrait qu'on. Ouais, il faudrait qu'on en fasse. Oui. Ouais, qu'on les revoie aussi, les séries. Oui, mais alors du coup, je sais même pas si je pourrais le regarder encore. Peut-être que j'aurais peut-être pas la même saveur, oui. Ouais. Ben voilà, je trouve qu'on a tout résumé sur Echo. Bah ouais, ouais. Tu vois, on a fait le tour et en plus on n'a pas forcément spoilé. Non. Parce qu'au final, bah, l'histoire, il n'y en a pas scènes, tellement à part qu'elle veut protéger sa communauté, quoi, et tout. Enfin, au final, je spoile pas vraiment en disant ça. Ouais, tout est dans le synopsis, ouais. Voilà. Mais voilà. On va parler du coup la deuxième partie. Donc c'est sur le thriller trailer, le trailer de Deadpool. Ouais. Joyeux anniversaire. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson ? Qu'il demande ? Wow. Vous vouliez me faire peur avec ça ? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous ? Et qu'est-ce que je fais là ? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien. Le petit Jésus Marvel. Whoa! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Alors, c'est pas Deadpool 3. Je vous l'ai dit, je sais pas si t'as vu sur... Oui, tu l'as vu sur... Oui. Le groupe commun. En fait, à la fin, c'est marqué Deadpool et Wolverine. Ah, oui, c'est tout à fait. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à la sortie de ce trailer. Je pensais pas qu'il y avait le Super Bowl et c'était un peu évident avec le Super Bowl que ça allait sortir. Mais j'ai revu le Deadpool 1 et 2 la semaine d'avant. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, j'ai redécouvert. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, ces films, mais ils sont vraiment exceptionnels. Ouais, c'est super. Ouais, c'est vrai qu'ils sont. Mais après, rien de. Enfin, c'est pareil, on parlait d'acteurs qui incarnent les personnages. Voilà. Oui, c'est dur de voir. Maintenant, Ryan Reynolds. Je vois pas qui pourrait passer après lui. Non. Non, parce qu'il est aussi barré que le personnage. Ouais. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, on a le dernier, enfin, le premier d'ailleurs, trailer, qui est sorti sur Daredevil, pas 3, parce qu'en fait, on croit qu'il s'appelle 3, on est tous pas dit 3, mais en fait, quand on regarde à la fin du trailer, c'est Daredevil, c'est Deadpool, pardon, et Wolverine. Voilà. Donc, oui, en fait, c'est pas un titre temporaire. J'ai pensé que ça sort un peu avant la Saint-Valentin, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, le nom officiel. De Deadpool 3, au final, c'est Deadpool et Wolverine. Ouais. Et en résumé, alors, Deadpool 3, il devait être. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'il y a eu la grève des scénaristes à Hollywood. Voilà. Ça a été reporté, le tournage. Voilà. Et on a une date de sortie française officielle qui est le 24 juillet 2024. Et je préfère t'annoncer la couleur, mon petit. Vas-y. Olivier, c'est qu'entre aujourd'hui et Co. Oui. Et Deadpool et Wolverine le 24 juillet, nous n'avons rien de Marvel. Oui, mais il ne va pas y avoir grand-chose, hein, même après. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que pendant 6 mois, sur Marvelicious, on va devoir parler de tout. Oui, il va falloir pas rappeler ça autrement. Faire un podcast sur Hello Kitty, je ne sais pas. Hello Kitty, ça peut passer. Hello Kitty Sius. Hello Kitty Sius. Ça pourrait marcher. Ça peut marcher pour les enfants. Mais en tout cas, on a Deadpool et Wolverine, donc avec un logo Deadpool, avec l'écriture de Deadpool et Wolverine en dessous en jaune, dans mon souvenir. Ouais. Un trailer qui met en bouche, je trouve. Et c'est le genre de trailer frustrant où tu as beaucoup de choses et pas assez à la fois, je trouvais. Voilà, donc oui, il a été diffusé pendant le Super Bowl 2024. Je suis déçu parce que j'aurais préféré que les 49ers aient gagné, parce que je suis un grand fan des 49ers. Donc voilà. Et donc il y a quelques moments clés. Donc faut voir sur, faut aller voir sur YouTube, même sur. Je l'ai vu sur Twitter. Il est sorti aussi. Je crois. Enfin bref. De quoi le trailer? Instagram. Hein. Oui, je l'ai vu sur Instagram. Oh, je l'ai sorti partout. Oui, partout. Vous regardez, vous tapez. Partout. Alors faut pas taper Deadpool 3. C'est Deadpool et Wolverine qu'il faut taper. Ouais, ça marche quand même. Hein, quand on tape ça marche quand Deadpool même. Deadpool 3, okay. On tombe dessus. Oui. D'accord. Bon bah écoute. Donc on a en fait à un moment où tout début il fête son anniversaire. C'est un peu lié. Il fête son anniversaire et on revoit des personnages qui étaient censés être morts. Donc je me demande si c'est pas la suite directe du 2. Bah oui. Parce qu'à la fin du 2, ils sont plus morts. Bah oui, parce qu'il les refait vivre, mais est-ce que c'est pas un autre Deadpool de. Non, parce que. Un autre multivers, je sais pas. Ouais. Non, parce qu'en fait, les personnages que l'on voit, justement, son acolyte moustachu, qui est très drôle dans le 2, celui qui a aucun pouvoir, je sais plus son nom, à la fin du 2, il les ramène. Oui, c'est bien, mais. Donc c'est une suite directe au 2 pour moi. Hein. Je sais pas, à la fin, je pourrais passer avec le multivers, t'es pas à l'abri qu'il soit là aussi. Enfin, peut-être t'as raison, je pense que t'as raison. Je pense que c'est ça. Et puis c'est bien, et puis on a le Deadpool qui fait plaisir, qui brûle, qui brise le quatrième mur, puisqu'à un moment il dit ah, pas de violence, on est chez Disney, et puis après il dit non, je rigole. Voilà, tout début. Ouais. Et puis il a sa perruque là, je suis dit, il a des cheveux, c'est bizarre, en fait c'est une perruque. Ouais, heureusement que c'est une perruque, parce que s'il est comme ça pendant tout le film. Et donc il se fait attraper par un agent de la TVA, mais tu vois, j'aurais cru que c'était Mobius. Ouais. Même pas. Et il s'appelle. Alors, c'est ça, moi, pourquoi ils l'ont pas repris, je sais pas. Alors, c'est peut-être fait exprès, tu sais, avec les grèves des scénaristes, peut-être qu'il y a eu un décalage, je sais pas. En tout cas, il s'appellerait Paradox. Et parce que moi, je l'ai vu en VO STFR. Est-ce que c'est pas un autre TGA? Ils l'ont appelé Paradox. Ils l'ont appelé Paradox en VOSTFR. On se dirait. C'est peut-être un autre TGA. Agent qui... Un TVA parallèle ou je sais pas. Je sais pas, ça existe pas un TVA parallèle. C'est quand même étonnant qu'on retrouve aucun personnage de la série. Ils sont hors du temps et de l'espace. Ouais, enfin. Bah, je sais pas, surprise. Ouais, peut-être que c'est fait. Parce... Après, le nom, c'est Paradox, donc est-ce que c'est pas un paradoxe, dans cet opus? Je sais pas. Oui, non, mais à mon avis, on va nous voir une grosse surprise. Mais oui, c'est ça, je pense. Et en fait, il l'embauche pour être la crème des crèmes, c'est d'être un héros parmi les héros. Et c'est ce moment où il dit qu'il est le Jésus Marvel, le Jésus de chez Marvel. Et il parle du. Qui va. Je suis le Messie de chez Marvel. Qui va péter le MCU ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, oui, je sais plus, un truc comme ça. Et c'est le Jésus Marvel. Pas toi, mais ça sent bon à l'Avenger Campus. Hein. Ouais, à Deadpool, à l'Avenger Campus. En photo si. Ah, je pense que si. Bon, bah, tant mieux, ça serait bien pour tout le monde. En tout cas, on a ce moment en fait où le paradoxe lui présente nos héros à nous du MCU et puis il propose d'être le héros parmi les héros qu'ils ont besoin de lui. Mais après, on sait pas trop pourquoi ils ont besoin de lui, parce qu'on c'est pas très clair. Oui. Non, c'est les enjeux du. C'est très flou. Bah, il propose d'être héros parmi les héros, mais on sait pas trop. Ouais. Mm. Mais tant mieux, dans un sens. Il est frustrant. C'est les meilleurs, ça. Il est frustrant comme trailer. Donc, et puis, il y a des scènes de combat. Et puis, à la fin, il est au sol. Et puis, il demande de l'aide. Et c'est là qu'on voit de dos, comme en costume jaune, justement, Wolverine, qui est interprété par Hugh Jackman. Voilà. Voilà. T'es content de revoir Hugh Jackman ou pas? C'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais que je ne trouvais pas convaincant en Wolverine. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai aimé Logan, hein, j'ai aimé les films, oui, je me doute bien, etc. Mais c'est tellement l'antithèse de ce qu'il est en comics, d'un point de vue physique en tout cas. Mm-hmm. Oh, j'aime bien. Wolverine, c'est un petit gars trapu, très musclé. Ils ont pris un gars très grand, très élancé. Et il est plus crédible dans les derniers X-Men, mais tu prends le premier X-Men, Hugh Jackman, il est à peine musclé. Ça fait trop bizarre. Quand tu regardes le tout premier X-Men... Je vais regarder. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Il a pas de muscles. Et... je vais regarder. Et je sais pas si t'as vu dans la scène de combat, là, t'avais le logo de la Fox en ruine, dans le sable. Je trouvais ça tellement drôle. Ouais. Voilà. Et c'est bizarre, je sais pas où il est dans le désert, je sais pas s'il est dans un... C'est bizarre. Je sais pas dans quel type de désert. Est-ce qu'il est sur un... Si, ça m'a fait penser un peu à un univers en fin de vie, comme dans Doctor Strange, le paysage. Enfin... Oui, non, mais de toute façon, il est. À mon avis, je m'attends à une histoire complètement déjantée. On va voir beaucoup. Et tu sais que dans le casting, devine qui y a, celle qui joue Elektra, il y a Jennifer Garner. Ah oui. Ouais, il y a Jennifer Garner qui reviendrait dans son rôle d'Elektra. Pourquoi pas, casting, j'étais surpris quand je l'ai vu. J'ai vu que tout le casting. Et en plus, alors je me dis, alors déjà, je sais pas si tu as vu le film, c'est une daube, mais une daube. Ah ouais, non, dans ouais, j'ai une pas daube. Aimé, ouais. Mais en fait, c'est tellement une daube qu'il est bien, tu vois. C'est vrai que je le revois, mais je me rappelle plus en fait. Je sais que je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Je l'avais plus aimé dans Daredevil avec Ben Affleck. Voilà, après. Ah ouais, il est bien. Tu sais que il n'a pas été aimé aux États-Unis, le Daredevil avec Ben Affleck. Pourtant, il est bien. Moi, je l'aime bien. Il est bien, il se regarde, mais il se regarde vraiment bien avec des bonnes scènes de combat et tout. Ouais, c'est vrai. Et j'ai hâte de voir Jennifer Garner, la tête qu'elle a 19 ans après son film, en solo, là, en solitaire. On aura une Elektra un peu ridée. Voilà. Ça sera une Skrull. Une Skrull, tu sais. Ou botoxée, ou alors. Tu botoxes avec le CGI, il y a les améliorations. Mais c'est la question que je me pose, est-ce que si tu la vois, est-ce qu'on va voir le Ben Affleck de Daredevil, tu vois, vu qu'il va d'univers en univers. Peut-être qu'il va y avoir le délire. Hein. C'est mais tu vois, genre, si tu la revois avec Ben Affleck. Ça serait trop drôle. Ouais, bah d'ailleurs, on revoit dans la scène post-générique de Deadpool 2, le Deadpool revoit le Deadpool de Ryan Reynolds. Tout début, le premier Wade Wilson. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans Wolverine. Il le tue. Ouais. Oui, d'ailleurs, à la fin de l'épisode, tu vois, il rampe. Je crois que c'est sa main qui rampe. Ou... Ouais, je sais plus. Ou son bras. Voilà. Et puis, en tout cas, c'est un trailer qui est frustrant parce qu'il y a du bon comme. Oui, oui. Et je sais pas toi, je parlais d'acteurs irremplaçables. Ryan Reynolds, c'est Deadpool à tout jamais, je pense. Et pour une fois, la version française, le gars qui double, j'ai oublié son nom, qui fait la voix de Ryan Reynolds. Ah oui, il fait trop bien. Elle est oui. exceptionnelle, quoi. Oui. C'est mieux en VF qu'en VO, je trouve. Ça, je trouve que... Je pourrais pas me passer de... Pour moi, il faut voir... Ryan Reynolds, il a cette voix-là, quoi. C'est... Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si tu penses comme moi. Si, mais... si, non, mais moi, c'est... Enfin, il y a plein de voix comme ça. C'est comme la voix française de Tom Hiddleston. C'est... C'est ou même celle de Iron Man, enfin de Robert Downey Jr. Oui, celle colle à la peau. Celle du Buzz l'éclair, si on va dans le Disney, Richard Darbois, je crois qu'il fait Buzz. Oui. Tellement de voix mythiques. Voilà, c'est ça. C'est des voix qu'il faut. Voilà. C'est comme Roger Carrel, quoi, des voix mythiques. Voilà, Du feu Roger Carrel. Bon, en tout cas, c'est un trailer plein d'humour. Il y a de l'action. C'est sanglant. J'ai adoré un moment. J'ai regardé, à un moment, il se frappe le cul. Je sais pas si t'as vu. Il se fait une fessée. Oui. Il s'habille. Il se fait une fessée, puis après il fait un grand écart, il remonte. Voilà, c'est vraiment le Deadpool qu'on connaît. Et il faut savoir qu'il est R-rated aux États-Unis, donc je pense qu'il va être pareil en France. Interdit. Et c'est que les gens avaient peur qu'il ne soit pas R-rated. Hein. Oui, bah je pense. Parce que déjà, ça voudrait dire. Quand j'ai enchaîné le 1 et le 2, le 2 est déjà beaucoup plus soft que le premier. Hein. Oui. Même point de vue violence et point de vue blague, salace, si on peut dire. On n'a pratiquement pas dans le 2, dans le 1, c'est. Waouh, c'est un peu, tu peux pas faire voir ça à tous les enfants. Quoi. Non, pas même un, c'est pas possible. Enfants. Le 2, ça passe encore, mais. Non. Moi, je vois ma fille, je peux pas lui montrer un film comme ça, hein. C'est mort. C'est mort. Mais du coup, tu vois, elle voit le personnage sur le truc. Enfin, je vais regarder, je suis non, mais tu regardes pas Salomé. Oui, mais Deadpool, il est rigolo. Je suis oui, je sais qu'il est rigolo, mais le tu regardes 2, pas. Le 2, ça pourrait passer, le 2. Ouais, je peux même pas, je suis pas sûr. C'est moins, il y a moins de blagues. Ouais, mais bon, mais non, je sais pas. Non, c'est pas possible. Pas du ça, non. C'est... Tu vois déjà The Marvel, ça l'a regardé. Elle était passionnée par les chats. Alors si tu mets Deadpool derrière, elle va dire c'est pas comme les chats de The Marvel. Voilà. Non, c'est pas la même chose. En tout cas, ouais, j'ai hâte de voir. Après, il y en aura d'autres, un trailer parce que c'est le premier, donc il y en aura d'autres au fur et à mesure temps. Mais ils ont même appelé ça un teaser, je crois. Ouais. Bon, je sais pas. Je plus ça. Un trailer. Le prochain trailer, on verra Wolverine, je pense. Voilà. Oui, je pense. Ouais. J'ai hâte de voir le marketing, moi, de ce truc-là. Juste pour voir. Je sais pas s'il y a Disneyland Paris ou quelque chose. Ce serait pas mal. Bah, c'est... Comme ça, c'est annoncé dans la bande-annonce, il intègre officiellement le MCU. Mm. Moi, je pense qu'ils vont foutre le paquet parce qu'il faut que ce film marche. Ah, ils n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, ils n'ont pas le choix. Il va y avoir du merch et je suis convaincu qu'il va être dans les parcs Disney. Ah, tant mieux, dans un sens. Bah, ça nous fera un autre personnage à voir. Après Grogu et Mando. Ouais, Grogu et Mando, ouais. Ils n'ont pas le choix qui marche parce que quand tu regardes les navets qu'on a depuis WandaVision. Oui, non, mais il faut que ça marche parce que s'il y a encore des échecs, le MCU va finir par mourir au cinéma. Hein. Il faut que ça marche. Mais ils ont fait pas mal de reshoots en plus. Donc, voilà. Ouais, puis de toute façon, même si, imaginons que le film n'est pas bien, ça fera quand même un carton parce que les gens ont vraiment envie de le voir. Quoi. Ouais. Puis ils aiment bien Ryan Reynolds. En plus, Ryan Reynolds, c'est bankable, lui. Hein. Ouais. Donc, si tu mets Ryan Reynolds, ça marche bien. Tu vas sur Netflix, il y a 2-3 films, moi, qui vendent pas du rêve, mais en fait, ils sont bien. Il y a un film là, sur Netflix, c'est Red Notice, qu'il joue avec The Rock. Et ils vendent pas forcément du rêve. Oui, il y a Adam dans. Avec des. Oui. Non, un mieux. Avec des poursuites de voitures. Ah oui, oui, avec les 7. Je sais plus, oui, il est milliardaire, il se fait croire. Il dit qu'il est mort et en fait, c'est un mercenaire. Oui, je vois. Je vois lequel. Vas-y, continue, je cherche pendant ce temps-là. Mais je vois lequel. Mais en fait, ça ne vend pas forcément du rêve. En fait, c'est des pépites. Red Notice était trop bien. Celui-là, c'est le meilleur quand même. Celui que je cherche, je trouve. Oui, et puis avec la. Oui. D'ailleurs, la course de voiture, c'est au tout début. Je me souviens. C'est vraiment tout début. Tacteur, Ryan Reynolds. C'est quoi ? C'est pas les 7 mercenaires ou un truc. Non, mais. Seven, je sais pas quoi. Ah, oh, je sais plus. En tout cas, c'est Ryan Reynolds, c'est une valeur sûre. Mais il y a un autre, tu sais. C'est Five Undergrounds. Ah bah tu vois, j'ai dit 7, en fait c'est 5. Et c'est pas quand même le réalisateur Michael Bay, hein. C'est pas n'importe qui. Oui, c'est Michael Bay. Celui qui fait les Transformers, etc. C'est un super réalisateur. Il joue aussi dans un film qui est super où il joue le mec à la chemise bleue. Là. Fall Guys. Ouais, c'est ça. C'est trop drôle ça. Ah ouais, ouais. L'agent Johnny. C'est trop drôle. Mais en fait, c'est dur de trouver un mauvais film de Ryan Reynolds. Il y en a un que j'ai pas vu ou qui paraît qui est bien ou je crois qu'il entend ce que pensent les chats ou il je sais plus où il y a un truc avec les chats aussi qu'il a fait. D'accord, il aime bien les chats. Ouais. J'avais vu une vidéo moi, avec Will Ferrell où il chante. Qui est très drôle d'ailleurs. Donc, Ah mais non, mais de toute façon, il est... Je suis en train de voir, mais... Ouais, c'est Five Underground. Tu vois, je te dis 7 quelque chose, mais... Ouais, celui-là, il est exceptionnel. Hein. C'est un super. Il joue aussi dans X-Men Origins avec Wolverine, ça, j'ai... C'est ouais, Adam ouais. À travers le temps que j'ai bien aimé. J'avais bien aimé. Oui, il est sympathique comme film. Free Guy. De toute façon, voilà, j'avais adoré. Ouais, c'est j'ai bien aimé aussi. Alors, c'est pas Six Underground, c'est pas Five Underground, c'est Six Underground. Tu t'es trompé. Six. Voilà, donc moi j'ai dit 7, toi t'as dit 5. En fait, c'était entre les deux. J'ai mal lu. Et puis, il a fait Green Lantern aussi, quand même. Et il a fait la voix de Pikachu dans Détective Pikachu. Ouais, aussi. Ouais. C'est d'ailleurs, ouais, bah d'ailleurs. Oui, il a fait Green Lantern. Oh oui, c'est trop bien. Les gens, ils avaient critiqué Green Lantern. Moi, j'avais bien aimé. Il a fait la gueule de Green Lantern aussi dans Deadpool 2. Ouais. Mais... il a joué aussi dans un truc qui s'appelle. Bah, avec Will Ferrell, je crois. Non, ouais. C'était Will Ferrell. Fast and Furious Hobbs and Shaw aussi, je l'ai vu. Il n'y a pas longtemps. Il a joué dans Brigade Fantôme et RIPD. Ouais. C'est trop bien ça. Rest in Peace Department, c'est ça. Où en fait il pense qu'il est lui-même, mais en fait il est petit en vrai. Enfin les gens comment ils le voient. Moi j'ai bien aimé. Bon en tout cas c'était. Oui j'aime bien. Enfin c'est un acteur en fait quand il joue Enfin dans un film ça marche quoi. Puis il est ouais. Un peu aussi il est décalé aussi comme il a une personnalité assez décalée donc. Le film avec le chat j'ai retrouvé le titre c'est The Voices. Qui The Voices. Très très bien et que j'ai jamais vu. Très très bien, mais que t'as jamais vu. Employé dans une usine de baignoire, donc son personnage tombe amoureux d'une de ses collègues, il commence une relation avec elle, mais finit par la tuer accidentellement. Psychotique, d'accord. Plus précisément schizophrène, Jerry croit entendre son chat et son chien lui parler. Il obéit au conseil du chat. Il paraît que c'est très drôle, j'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est bien. Bah écoute, c'est vraiment le profil, enfin c'est vraiment le type de film qui fait un peu barré. Hein. En tout cas, voilà. Mais tu sais qu'il avait fait une pause pendant un moment, je crois, non ? Il n'avait pas dit qu'il faisait une pause. Ryan Reynolds ? Ouais, non ? Il n'avait pas fait. Été marqué par le tournage de Deadpool 2 parce que un cascadeur est décédé pendant le tournage. Ça l'avait un peu marqué. Effectivement, je crois qu'il avait fait une. Il voulait faire une pause et après. Si, il a bien décidé de faire une pause. Il a bien décidé. Je suis en train de regarder. Il avait bien décidé de faire une pause dans sa carrière. Dans sa carrière. En 2021. Ah, tu regardes 2002, il y a Deadpool 2, 2019 Pokémon, Fast and Furious, Six Underground toujours en 2019, 2021, il y a 2020 qu'il n'a rien fait en fait. En 2021, il y a Hitman en Bodyguard 2, 21 Free Guys, Red Notice, il n'y a qu'en 2020 où il n'a rien fait. Donc il a fait le Fast and Furious Upset Show là. Ouais, en 2020, effectivement, il a pas sorti de film pendant un an. Ouais. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, à mon avis, faut beaucoup attendre de ce film-là parce que ça, quand même, ça va être la base de la. Enfin, déjà, c'est un film qui est censé faire la base de chez la base dans le MCU sur le multivers. Mm-hmm. Vraiment. Lui, ça va être vraiment la base. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, les gens, ils attendent vraiment un bon film, quoi. Je pense que là, si ce soir, il y aurait tellement de gens déçus. Si en 2020, il a fait des voix dans les Croods 2, dessin animé. D'accord. Ah oui, les Croods, c'est marrant ça. C'est quoi, c'est les hommes préhistoriques ça? Oui, bah, il a doublé le premier, il double le deuxième aussi. Je sais pas quel personnage il fait. Mais... Bon. En tout cas, on attend de voir le prochain trailer. Quand il y en aura un, on en parlera. Et enfin, dernier sujet de débat, c'est l'annonce qu'on a eue tout à l'heure, tous les deux, en live. C'est l'annonce des 4 Fantastiques. Voilà. Donc a été fait sur. Alors du coup c'est Tony qui l'a envoyé sur Twitter. Je sais pas toi. Je l'avais pas. C'est moi qui l'ai mis dans le groupe là. C'est toi qui l'as mis. Ah je crois que c'était. C'est toi. Donc tu vois. Donc c'était sorti pour la Saint-Valentin. Donc en fait on connaît enfin les acteurs. Bon il n'y avait pas de secret. Enfin c'était un secret de Polichinelle. C'est Pedro Pascal qui jouera Monsieur Fantastique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est bien. Ouais, il est un peu trop partout, je trouve, mais oui, j'aime bien l'acteur. Mais c'est un bon acteur. Bah, je le trouve pas. Oui, c'est oui. Et je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais j'ai pas vraiment d'affinité. Enfin, je fais ni chaud ni froid, en fait. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. On a. Ah, elle, tu l'aimes bien, c'est Vanessa Kirby qui va jouer le rôle de Miss Madame Fantastique, donc c'est la femme invisible. Voilà, Sue Storm. Tat, toi ? De la voir ? Ouais. Bon, bah, tu la vois déjà dans The Crown, parce que sachez tout le monde qu'il est fan de The Crown. Oui, oui, bah, surtout elle est dans Mission Impossible aussi, le dernier, l'avant-dernier. Les deux derniers, je crois. Oui, tout à fait. Elle est dans quoi d'autre ? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais elle va bien incarner. Je trouve que physiquement, elle a vraiment la classe. Elle ressemble de ouf. Ouais, c'est vraiment bien choisi. Que Pedro Pascal en Monsieur Fantastique, tu vois ? Ouais, ouais. Non, bah, j'ai l'impression qu'il est très bon bankable. Et puis, je sais pas, je trouve ça bizarre. Il va encore faire le Mandalorian au cinéma, qu'il soit dans deux franchises différentes. Il est très Disney. Il est bankable chez Disney. Ouais, il est très sous-sous, je pense. Ouais, bon, mais, comme tous les acteurs, je pense. Oui, elle était dans Napoléon aussi récemment. Elle fait Joséphine. Ah, ouais, je vais pas le voir. Non, mais c'est juste pour info. J'ai peur. Parce qu'en fait, on m'a dit que c'était pas une version historique. Et, voilà. Je suis fan de. Il faut attendre la version Apple TV. Ouais, on va voir. Ils l'ont amputé de plusieurs heures. Hein. Ouais. Le film. Bon. En tout cas, Vanessa Kirby en Sue Storm, ça va donner, je pense. On a Joseph Quinn. Alors, c'est. Lui, j'aime bien parce qu'il joue dans Stranger Things. Il fait le dans la dernière saison. C'est lui qui fait le guitariste fan du groupe de métal. Là. Voilà. Ouais, donc, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. En plus, il a vraiment, je trouve le, il a pas forcément le, c'est pas le Chris parce que le premier Johnny Storm, c'est comment Chris Evans. Oui. On n'est pas sur le même physique. Non, pas du tout. C'était le petit Minet Frimer dans. Voilà, là il va être petit Minet là. Ouais, petit Minet. Voilà, petit Minet, donc il va jouer Johnny Storm qui est le frère de Sue Storm. Voilà. Et on a, alors lui je le connais pas forcément, c'est Ebon Moss Bakrash, je sais pas. Bakrash. Ouais. Bakrash, voilà, qui jouera Ben Grimm. Alors je l'ai déjà vu, hein. C'est un acteur qu'on voit assez souvent. Dans des seconds rôles plutôt. Après, voilà, on l'avait pas vu dans Endor, lui. Non, il est pas dans. Alors, je vais te dire ça. Si, il joue dans Endor. Il est dans Endor. Oui, c'est ça. Je l'avais déjà vu. Lui. Après, oui, lui, bon, alors, il est pas super connu non plus, enfin, je pense. Mais on va voir ce que ça va donner. Bah, il va peut-être le devenir, du coup, maintenant. Bah ouais. En tout cas, c'est pareil. Parce que comme quand je vois sa tête, oui, c'est un acteur qu'on voit un peu. Oui, qu'on voit, oui, qui fait pas forcément des rôles. Qui fait souvent les seconds rôles, mais souvent, ouais. C'est les meilleurs acteurs. En tout les troisièmes rôles. Oui, ou voir les troisièmes rôles. Mais ouais. En tout cas, je sais pas d'où ils l'ont sorti, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas l'acteur qu'on avait précédemment, le chauve, là. Voilà. On avait, qui avait lui vraiment le. Qui avait vraiment le look de Ben Grimm. Ouais. Il avait vraiment la tête de Ben Grimm comme dans les BD. Donc voilà, et le film sera réalisé par Matt Shakman, c'est lui qui a fait WandaVision, qui est très bien d'ailleurs. Oui, c'est une bonne série. C'est une bonne série. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, voilà. Oui. C'était bien. Oui, voilà. C'était bien. Nous avons fait le tour. Et puis, non, ce que j'avais pas d'autre actualité. Donc, ouais. Si. Alors, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Voilà. Le prochain podcast, c'est sur Madame Web. Oui. Tu peux aller voir Madame Web. J'hésite à faire l'effort pour toi. Parce que je crois qu'à côté, Miss Marvel, ça va être un chef-d'œuvre. Donc, je vais peut-être boire. Non, j'ai vu les premières critiques, notamment celui de mon pote qui est sur. Je vais boire avant. Qui fait mon pote qui fait Instagram, il l'a déjà vu. Et. Et alors, je crois que c'est. Attends, deux secondes, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Mais c'est surtout qu'il faut aller voir tout de suite, parce que la semaine prochaine, il ne sera plus nulle part. Hein. Oui, c'est un peu comme The Marvel, vous en voyez plus. Attends, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il sort toujours, c'est ça, il sortait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il sort aujourd'hui. Mais je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il va falloir y aller tout de suite. Hein. Bon, Madame Web, de toute façon, il y en a un qui a hâte de le voir, c'est Mika. Ouais, Mika, il a aimé The Marvel, alors. Mais c'est vrai, j'avoue. Attends, j'ai juste retrouvé ce qu'il... Il m'a envoyé un message et il m'a dit « T'as vu ce film-là ? » Et je lui fais « Ouais. » Il me fait « Bah, c'est pire. » Et je fais « Oh, putain. » C'est ça, il me fait « Est-ce que tu as vu Elektra ?» Et alors, je lui réponds « Oui, bien sûr. » Il me fait « T'as aimé ?» Je fais « Non, j'ai détesté. » Il me fait « Bah, c'est encore pire. » Voilà. Voilà. Parce que pour moi, en fait, pour moi, le pire de tous, c'est Elektra. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Oh putain. Faut que tu ailles le voir ce week-end. Parce qu'il sera plus mercredi prochain. Hein. Bah tu vas le voir aussi toi ce week-end. Bah si t'y vas. Par contre, si j'y vais, tu vas, je veux être sûr, avec sûr que t'y vas. Hein. Donc, Non mais j'y vais. Non mais j'y vais. Je te le dis, j'y vais. J'y vais. J'y vais et parce que le truc c'est que tu sais, il est capable de venir Mika. Non mais c'est super. Non mais c'est super, c'est voilà. Bah, c'est... Peut-être. Non mais ça pourrait être intéressant. Mais voilà. Mais quand tu penses qu'en fait, genre Madame Web est capable de faire passer un film autre comme un chef-d'œuvre, comme Elektra, tu vois, je me dis putain. Si je vois que Elektra c'est mieux, je me dis non mais on est tombé plus bas quoi. On est tombé bien bas. Donc voilà. Ouais. Donc c'est voilà. Donc c'est on va dire que là j'appréhende quand même. Bah, déjà la bande annonce est une catastrophe. Oui, c'est catastrophique la bande annonce. Et comment on sait que dans les bandes annonces il faut voir le meilleur. Il m'a juste dit que enfin c'est qu'il y a pas de scénar en fait. Mais il y a rien. Il m'a dit qu'il y avait un scénar mais... De ce que j'ai vu, c'est complètement tout est pété, quoi. Oui, tout est pété. Ouais. Le design, tout. Là, sur Internet, par exemple, écran large, Madame Web critique pire que Morbius. Pourtant, Morbius, ouh, ça doit être top. Mais tu sais, déjà, si un film, tu vois, c'est, pour chez Sony, je me classe au niveau de Venom. Tu vois, je me dis déjà que Venom, c'est nul. Alors, tu vas me dire, quoi qu'il y en a qui ont adoré, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, Venom 2, c'est nul, mais ça se regarde, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... voilà, c'est ouais, nul, hein, mais... On va voir une Madame Web qui est médium et qui va essayer de... Je sais même pas c'est quoi l'histoire. C'est quoi le synopsis, je sais même pas. Tu vois, je vais dire que je m'attendais vachement à ce film. C'est quoi le synopsis? Je sais pas, faut pas chercher... Morbius, enfin... L'actrice elle-même a avoué que le script avait été réécrit plusieurs fois pendant le tournage. Ah ouais. En tout cas, c'est en fait Cassandra Webb, une ambulance. Il est impossible de lui donner tort tant que cela saute aux yeux. On verra. Voilà. Attends, Cassandra Webb, oui. Une ambulancière se découvre des dons de voyance. Bah oui, c'est Madame Webb, quoi. Elle a des dons de voyance. Elle est médium professionnelle, à un moment donné, dans les comics. Qui va devoir les conséquences de certains événements qui ne se produisent. Elle croise la route de Julia, Matty et Anya, trois futurs Spider-Woman et Spider-Girl. Ouais, néanmoins, ces derniers sont traqués par monsieur Ezekiel Sims. Non, puis la bande-annonce, enfin, les effets spéciaux sont pétés. Enfin, je savais même pas qu'il y avait le méchant Ezekiel Sims là-dedans. Je savais même pas. Alors, c'est... Et genre ils ont écrit au fur et à mesure le scénar. C'est ça, ils ont réécrit pendant le tournage, plusieurs fois, elle a dit. Et puis le gars là qui fait la critique dans le journal du Geek, il dit on peut pas lui donner raison tellement que ça se voit. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est. Il faut que tu te revoies la bande-annonce, hein, parce que c'est une catastrophe, hein, la bande-annonce. Ouais. Bon. Après, c'est-à-dire que pour les fans de Spider-Man, vaut mieux que vous regardiez pas, quoi. Donc, bah, c'est. Ouais. Si vous avez 15 balles à foutre en l'air. On a 15 balles à foutre en l'air. Parce que... Attends, ouais. Toi, tu vas tout seul, toi? Ou tu y vas avec Chewbacca? Non, Chewbacca est à Miami en ce moment, donc d'accord, tout seul. Okay, ouais. Bon, bah, tu vas tout seul. Bah, moi, je vais y aller à 3, donc moi, ça va être 45 balles. C'est loin de chez toi, 3. Ouais, 3. C'est bien dit. Ah, c'est bien, non, mais j'avoue. Ah non, c'est vrai, tu l'as bien placé. Bah, écoute, j'irai. De toute façon, si j'y vais, j'irai dimanche éventuellement. Parce que samedi, je vais à Disney. Faut jouer à ma soeur, regarder ma fille. Mais je vais être sûr qu'il y aille. Non mais j'y vais, non mais cherche pas, j'y vais. Je vais pas être sûr. Ah, j'ai zappé la semaine et puis la semaine prochaine. Non mais j'y vais. Mercredi prochain, il passe plus nulle part. Hein. Non, j'y vais. Je te jure que j'y vais. J'y vais. Ou au pire des cas, j'attends sur Disney+. Ah non, là, je te tue. Non, j'y vais. J'y vais de son Mickey, il va. Donc du coup, on demandera. Non, j'y vais. Je te le dis. Écoute, je vais peut-être me faire douleur. Alors je vais essayer. Non mais si tu veux, voilà, fais-toi mal. Des fois, c'est bien de se faire mal, tu sais. Bon, l'actrice est jolie, c'est au moins ça. Bah, les autres aussi, hein, les autres Spider-Girls, oui, sont pas sont... Ouais. Après, le truc, c'est que j'arrive pas, parce que vu qu'ils veulent faire un Sony Universe ou je sais pas quoi. Ouais, mais je pense que ça va. Ouais, j'ai un peu de mal parce que là ils feront un Kraven le... si c'est comme Morbius, c'est un méchant. Tous les films Sony, c'est une catastrophe. Non, il y en a un qui est bien. Daredevil avec Ben Affleck. Il est bien. C'est un film Sony, ça ? Bah, je crois, non ? C'est pas Sony Pictures ? Je crois pas. Hein, attends, Sony Pictures, c'est... Sony Pictures, c'est... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah non, non. Attends. Non, non, c'est un... bah, vas-y, cherche, je sais plus, mais... Ouais, non, t'as peut-être raison, parce que c'est des fois... Sony Spider-Man Universe. Voilà, ça non, fait les, Sony, les seuls films qu'ils ont un peu réussi, c'est les Spider-Man. Alors, t'as Venom de 2018, celui de 2021, Morbius, Madame Web, Kraven le Chasseur qui est prévu. Putain, alors celui-là, je sais pas comment ils vont faire. Non, mais c'est une Kraven le Chasseur en gentil ou en anti-héros, ça me saoule. Parce qu'ils te font des anti-héros, j'en ai ras-le-bol. Là, ils t'ont prévu un film du Sony Universe, je sais pas quoi, là. El Muerto. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Non, un catcheur. On s'en bat les cacahuètes. Non, après, si, les Spider-Man là, de chez Sony, qu'on a vu Beyond the Spider-Verse. Et... Ah, les dessins animés, tu veux dire. Ouais, ils sont exceptionnels, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est ça, c'est pas de ce niveau-là. Quoi. Et donc, ils devraient tout faire en dessin animé. D'ailleurs, on n'a pas fait sur le deuxième. Ah oui, j'avais été le voir et tout. Ouais, mais moi aussi, mais on va le faire sur le deuxième. Mais du coup, mais en plus, surtout que maintenant qu'il est disponible sur Disney+, je crois. Donc, si je me trompe pas, regardez. Le deuxième, enfin, oui, je sais pas. Ou MyCanal, je crois que je l'ai sur MyCanal plutôt. Mm-hmm. Non, sur MyCanal, je crois. Ouais. Mais on n'est pas, enfin, c'est pas au niveau des dessins animés, quoi. À la limite, vaut mieux qu'ils gardent les dessins animés qu'ils restent là-dessus. Hein. De toute façon, il faut qu'on se garde des films, hein, parce que... Oui, on va rien avoir avant 24 juillet. Ouais, il ne va plus y en avoir beaucoup cette année, là. Il y a quoi, Deadpool cette année, et puis quoi d'autre ? Ben, sur Marvel pur, ouais, c'est... Enfin, de Disney, il n'y a que Deadpool. Non, ils ont prévu... Un autre, je crois. Agatha Harkness... Il y en a un autre. Vers Halloween. En série. Je crois qu'il y en a moins deux, quand même. Film Marvel... Non, il n'y a que... Mais il n'y a pas Venom aussi ? Après, c'est pas Disney, c'est Sony. C'est Sony, mais... Il n'y a que Sony qui sort. Deadpool 3, Madame Web. Il y a Bletz 2025. Non, ça, à mon avis, ça ne va pas sortir tout de suite. Kraven, le chasseur, cette année, en 2024. Ça, putain. Ça me fout les boules. Non, oui, t'as Madame Web, Deadpool, Kraven, le chasseur, Venom 3. Non, Marvel pur, c'est Deadpool, je crois, c'est tout. Kraven le chasseur, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, sérieusement, c'est nul aussi. Donc. Mais non, mais surtout qu'en faire un anti-héros alors que c'est un méchant, je comprends pas. Tu vois, c'est. Puis Madame Web, alors là, j'ai hâte de le voir juste pour voir quel daube c'est. Ça va faire comme The Marvel, ça va faire. Oh là là, ça va être horrible. Tu sais que j'ai revu The Marvels, je me suis dit, bon, maintenant je m'attends à un beau truc. J'ai sûrement apprécié des choses, c'était pire. Je l'ai trouvé encore plus nul que la première fois que j'ai vu. En le regardant une deuxième fois ? Ah, c'est catastrophique. Et ton fils, il a bien aimé ou pas ? Non. Ah, il a pas aimé du coup ? Non, pas du tout. Bon, au moins c'est rassurant. Au moins c'est rassurant qu'il ait pas aimé. Ça montre qu'au moins c'est un avis que... Enfin, ça montre quand même que le film, même pour des jeunes, il est pas terrible. La scène de la comédie musicale, c'est bon, ça a été fini, la fin pour lui, quoi. Il a arrêté là. Merci, Olivier. Bah de rien, avec grand plaisir. Oh, c'est bien, tous les deux. Bah ouais. Un peu plus, si on avait enregistré hier, ça aurait été le duo pour la Saint-Valentin. De toute façon, Chewbacca est à Miami, donc tu aurais fait... Ah, exactement. Je fais pas ça. J'aime ma femme tous les jours. J'attends pas le 14. voilà, donc Olivier, qu'on te retrouve sur YouTube. Oui. Et toujours avec des vidéos de qualité, puisqu'en fait, on a fait une belle avec Tic et Tac. Ou Tic, je sais plus. Un short. C'est un short. C'est un short, voilà. Ouais, qui était sorti, que j'avais filmé à Noël. Et là, j'ai sorti la vidéo sur le DLH. Sur le DLH que tu as pu visiter. Oui, j'ai eu la chance, grâce à Priscille, de pouvoir visiter le DLH. Merci, Priscille, de nous faire profiter. Merci, Priscille. Merci. Priscille, tu sais pas si elle a bien dormi au DLH ? Oui, elle a très bien dormi, ce qu'elle m'a dit. Ouais. Peut-on dire qu'elle a dormi comme une reine ? Ah, je pense, oui, à mon avis, oui. Comme une reine, on c'est doute sûr. Pas. En tout cas, retrouvez Olivier sur YouTube, à Olivier in Wonderland, sur Instagram, et bien sûr, sur le podcast. Ah oui, on officie tous les deux. Bah oui, mais bon, on va dire, qui est dédié entièrement à Disneyland Paris, voilà. Que ça, qui s'appelle Magic Mouse Paris. Voilà, je mettrai le lien maintenant à chaque fois sous la bannière de Marvelicious. Je vous invite à l'écouter. N'attendez pas du Marvel dedans, sauf si c'est dans Avengers Campus. Voilà. N'attendez pas d'épisode hors série. Peut-être un épisode hors série, on verra ça. On verra un peu plus tard. Premier épisode sur Frontierland. Ceux qui aiment Frontierland. Tout le monde aime Frontierland. Oui, oui. Je connais personne qui n'aime pas Frontierland. Oui. Et le prochain, on ne dit pas. C'est un autre. Ouais, voilà. Surprise. Ça. Surprise. Et je ne sais pas si on va faire un épisode spécial sur la soirée passe annuelle du 22. Bah, je sais pas, pourquoi pas, on verra. Ouais, on va voir. Pour pas empiéter, parce que des fois, MSA, ils le font aussi. Oui, c'est pour ça que je vais voir ce que fait avec MSA. Mais... voir avec MSA, mais. Sinon, et comme voilà. Tout le groupe y va, pratiquement, on pourrait faire un méga podcast avec oui, carrément, personne. Avec tout, le monde. Ouais. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Voilà. En tout cas, allez voir ce podcast. Le premier épisode est plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé le faire. Ça fait. Du bien de ne pas parler forcément de Marvel, mais de geek ou de jeux vidéo. Ça fait du bien de parler de ce parc qu'on aime tant. Donc, Magic Mouse Paris, avec un beau logo, une belle musique d'intro faite par Olive. Voilà, vous pourrez le lien et écouter. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Mon petit Olivier, tu vas faire dodo ? Oui, je vais faire dodo. Voilà, moi je vais faire un montage en 2-2. Le podcast est dans 3 minutes en ligne. Le podcast va être dans un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc, c'est l'avantage de faire du one-shot. On fait du one-shot au final. Bah oui, c'est vrai, on est tellement pro que question. Bon courage, je t'embrasse. Je moi aussi. À bientôt. Merci encore pour ce podcast. D'avoir participé. Et puis je te souhaite une belle nuit. Bye bye. Moi aussi. Bye bye. We'll be right back.